Le pardon de Saint Jean du Doigt. Jour de fête et de joie que ce devrait être pourtant ce 23 juin, fit en hochant la tête Corentin Morvan. Jour de deuil et de souffrance que c'est au contraire, répliqua Barzic. Comme si ce n'était pas assez de tous les pauvres gars péris de froid et de misère au fond de cette Russie, reprit Morvan, faut encore que disparaisse d'un coup, avec tout l'équipage du Penbaz, de rudes matelots de chez nous et ce Thor Hepen, le brave des braves qu'on aurait pu appeler, comme disent de Nel et Terrien. De son bras étendu vers la vallée de Traon-Mériadec, Joseph Carne montra le clocher de Saint-Jean-du-Doigt, dont la fine pointe dentelée émergeait au-dessus de la verdure printanière des grands arbres en fleurs. Aussi, mes matelots, ils peuvent bien mettre le grand pavois à son église à en rendre jaloux un vaisseau à trois ponts en manœuvre de parade. Notre Santian Arbis n'en aura pas moins une triste fête au jour d'aujourd'hui, pour ce qui est de nous, tout au moins, pas vrai, Guyader ? Une moudure aux lèvres, sourcils froncés, sauvagement enfermé dans la douleur qui lui causait la perte simultanée de ses trois neveux et du jeune capitaine en qui il se complaisait à pressentir un mari pour sa chère petite Anne, Guillaume Guyader ne répondit que par un expressif mouvement d'épaule, sans interrompre sa sombre rêverie. D'un pas lent de promenade, les quatre gardes-côtes s'avançaient vers la place de Saint-Jean-du-Doigt, par le sentier de la falaise qui, venant de la grève de Primel, suit exactement le bord de la mer et se rendait en grand uniforme au pardon fameux de Saint-Jean-du-Doigt, l'un des plus célèbres de Bretagne qui, chaque année, à cette date du 23 juin, attire autour de la jolie église et de l'exquise fontaine des milliers de pèlerins et de curieux, accourus de tout le pays breton pour célébrer les vertus miraculeuses de la relique illustre. Alors que, suivant le pittoresque usage, les populations du littoral voisin gagnent Saint-Jean par mer, chaque paroisse groupant ses barques pavoisées autour du bateau qui porte son recteur, les gardes-côtes n'avaient pu se joindre à leurs amis ou parents de Primel. Les barques de Primel, qui avaient à effectuer tout le grand tour de la pointe et des chaises, avaient appareillé lorsqu'ils étaient encore de garde au sommet de la pointe. À peine relevés vers les 8 heures du matin de leur faction nocturne, ils avaient dû profiter de la circonstance pour passer en même temps l'inspection quotidienne de la côte en venant par le sentier de douane. Au moment où, échangeant ces paroles de tristesse, ils débouchaient sur la place de Saint-Jean, dont le sable fin criait sous leurs pieds, Joseph Carne, avec un coup d'œil circulaire, annonça « Faites partout, cependant. Flottille de Lochkirex ou Beg and Free, d'une part, Bignous et Cantique sur la route de Morlaix, d'autre part. » De la vallée que masquaient les vertes frondaisons des arbres, montait en effet une formidable et joyeuse rumeur, prélude bruyant des grandes manifestations de joie qui allaient se déployer. Saint-Jean-du-Doigt tout entier devait regorger de pèlerins venus non seulement du Léonois, mais aussi du pays de Lannion, du Trégorois, de Cornouailles, du Morbihan, de plus loin encore, de la Bretagne entière, unie en un seul élan de foi. Et sur mer, s'avançait un groupe de barques pavoisées et fleuries venant de Lochkirec, toutes bruyantes et débordantes d'une allégresse dont les échos se répercutaient au loin sur les flots. Très proches de terre et paraissant près d'aborder la grève, d'autres barques arrivaient pavoisées également, mais dont les équipages semblaient mornes malgré cette décoration de fête. Un cantique triste et grave s'élevait de leur groupe compact, tandis que sous l'action d'une bonne brise de nord-ouest, les étraves faisaient bouillonner les vagues courtes et hérissées de petites crêtes d'écume. C'étaient les barques de Primel, montées en grande partie par les habitants du bourg de Plougasnou. On distinguait en tête la barque des Guisnou avec Pierre-Marie à la barre, ses deux gendres à la manœuvre, sa femme et ses trois filles sur les bancs. Barzic le désigna. « Hein, tonton Guillaume, regarde voir un peu quelle figure de vent debout il a, ton beau-frère. » Je me suis laissé dire que dans cette catastrophe de Thor Hepen, il y avait encore un coup de sa mauvaise tête, comme autrefois dans les temps, pour l'histoire de celui qui dort là-bas à Saint-Jean derrière la chapelle, dans le coin où nul ne va jamais. » Prudemment, mais dévoré du désir de savoir, sans toutefois vouloir heurter de front le vieux marin dont il connaissait les façons peu commodes, Barzic lança cette phrase en hésitant un peu. Sans savoir exactement ce qui s'était passé, Pierre-Marie, Anne, le jeune corsaire et Tinaïque, ayant tous gardé le plus absolu silence sur la terrible scène, dans Plougasnou on soupçonnait une partie de la vérité. Nul ne se doutait d'ailleurs de l'identité véritable de Thor Heypen, mais on avait remarqué les singularités qui avaient précédé le dernier départ du Penbaz, la claustration du jeune homme à Tromelin et son humeur farouche. Tué ou prisonnier, personne n'eût su dire ce qu'était devenu l'équipage du cutter, bien que certaines épaves retrouvées en haute mer eussent fourni à l'opinion générale que le cutter avait été coulé corps et biens. Mais tout Plougasnou était persuadé que le caractère terrible de Pierre-Marie avait été pour quelque chose dans la catastrophe indéniable qui était survenue et qui lui avait coûté du même coup ses trois fils. À ce rappel du passé invoqué par Barzic, Guyader eut un brusque mouvement d'impatience et fit sévère. « Laisse le temps d'autrefois tranquille, Barzic. Pour ce qui est de celui d'aujourd'hui, ce qui cause ferait mieux de se taire, vu qu'on ne sait quasi rien, et que si Pierre-Marie est pour quelque chose dans cette affaire, il emporte assez dure peine par la perte de ses trois gars. »« Oh, je ne dis rien, » se défendit Barzic. « Mais on cause dans le pays, vu qu'on connaît le Pierre-Marie, qu'on a entendu des choses. » Que Thor Heypen est resté 8 jours à Tromelin sans remonter à Plougasnou avant de partir pour cette maudite expédition, et que Reine en sabots a été vue pleurante dans la chapelle de Kerikov. Il avait lancé cela d'un trait pour essayer de rompre le mutisme du vieux marin. Mais Guyader ne voulait rien dire. Il fit simplement comme se parlant à lui-même. « Pauvre petite âne, moi qui avais espéré des choses. » Et son geste vague acheva pour lui seul sa pensée volontairement inexprimée, tandis qu'il s'avançait vers le bord de la grève où les barques venaient d'atterrir parmi les rouleaux d'écume du brisant. Ce fut un moment de grande confusion à laquelle vint encore s'ajouter l'arrivée de la flottille de Lokkirek. Sur la grève remplie de barques dont les premières arrivées étaient déjà à sec, une fois les femmes débarquées à bras d'hommes, le cortège processionnel s'organisa et les arrivants se mirent en marche pour gagner Saint-Jean-du-Doigt par la route qui aboutit au galet formant, au-delà du sable, la bordure extrême de la plage. Au même moment, au-dessus des frondaisons de Traon-Mériadec, le clocher de Saint-Jean commença d'égrener les notes claires d'un joyeux carillon annonçant le commencement des cérémonies du pardon. En avant des pêcheurs de Plougasnou venait Pierre-Marie, nu-tête, raidi dans sa douleur de père qu'il domptait de toute son altière volonté, restant avant tout et toujours un guisnou d'aussi fière tenue que les seigneurs, ses ancêtres. À son côté, Anne, contenant avec la même fierté de sang sa double douleur de sœur et de fiancée, et derrière toute la famille à laquelle s'était joint Guyader. Avec eux, la foule gravissait le banc de galets, tandis que s'abattait, en larges ondes sonores, répercutées par les échos, la chanson vibrante des cloches. Soudain, celles-ci s'arrêtèrent d'un choc si brutal que toutes les têtes se levèrent en un sursaut d'unanime inquiétude. Un instant de silence fit battre tous les cœurs d'une angoisse étrange. Puis, haletante, pressée, sonnant à coups terribles un formidable glas d'épouvante, la grosse cloche seule lança éperdument l'appel redouté du tocsin. Dans la vallée entière, des cris s'élevèrent. En même temps des douaniers, des paysans en armes débouchèrent du chemin ombragé de Saint-Jean-du-Doigt, criant à plein poumon « L'ennemi !» Une vision sinistre s'évoqua. Comme jadis, l'Anglais profitait sans doute de la journée de fête et se jetait sur Saint-Jean-du-Doigt, proie riche et facile à saisir sans gros risque. Tous les regards allèrent à la haute mer. Encore fort loin, heureusement, à la limite de l'horizon, une voilure se dessinait qui, grâce à l'altitude du clocher, ayant été mieux vue des sonneurs, leur avait permis de donner l'alarme. Un navire venant du large avec ce cap ne pouvait être qu'un saozon. Une terrible angoisse fit tourbillonner la foule. Douaniers, gardes-côtes, pêcheurs voulant courir aux batteries proches pour les garnir, aux barques pour les sauver. Les femmes, les enfants refluant en désordre vers la vallée avec des cris aigus. Pierre-Marie Guisnou ! Pierre-Marie Guisnou de Plougasnou ! Une voix perçante domina le tumulte, jetant à deux reprises cet appel d'un ton d'autorité si singulier que les plus rapprochés de la falaise se retournèrent et que les clameurs se turent pour faire place à une sourde anxiété. Tinaïque Cornou, la sorcière ! Que veut cet ami de Satan ? Debout sur le seuil du trou de la falaise qui lui servait de demeure et devant lequel il fallait passer pour gagner Saint-Jean, Tinaïk, les yeux étincelants, appuyée sur sa canne, semblait maîtriser du regard cette foule dont elle était redoutée pour le mystérieux pouvoir qu'on lui attribuait. Étreint d'un pressentiment, Pierre-Marie, alors à quelques pas d'elle, eut un geste de recul. À haute voix claire, Tinaïk parla. « Pierre-Marie Guizenou, au moment où approche le massacre et le pillage, je viens proclamer tes fautes à la face de tous. Parce que tu n'as eu ni pitié, ni bonté, ton pays va être noyé dans le sang innocent. Tu as été implacable pour le fils comme il y a 20 ans tu l'as été pour le père. Tu as chassé de ta demeure Thoré Pen le corsaire quand tu as su qu'il était en réalité Guy Guizenou, le fils d'Antoine Guizenou, ton frère. » Un cri de stupeur jaillit de la foule. Thoré Pen, le fils du maudit, elle déraisonne. D'un geste impérieux, Tinaïk arrêta la protestation, reprenant avec son ton de justicière. Le fils d'Antoine Guizenou, ton frère. Tu as tenté le Seigneur en prononçant cette parole impie. Il est sorti de la mer qu'il y rentre pour toujours. Le Seigneur t'a exaucé. Thoré Pen a disparu, a péri avec tes fils. Thoré Pen, un vrai Guizenou par la valeur, notre défenseur. Et regarde vers la mer. Regarde les Saozon qui viennent, qui accourent maintenant que toi, un Guizenou, tu nous as privés du Guizenou qui nous était rendu miraculeusement et qui nous protégeait. Ceux qui assistaient à cette scène singulière restaient béants. Pris entre leur respect craintif de la sorcière et leur affection pour Pierre-Marie, l'effroi où les plongeait la situation, le regret de la disparition de Thoré Pen, la haine vouée aux maudits par les anciens, les allures étranges de Tinaïk, l'angoisse visible de Pierre-Marie et d'Anne, tout cela causait un indicible mélange de sentiments contradictoires. Ils n'eurent pas le temps de s'y appesantir. Du rivage, de nouveaux cris montaient, attirant l'attention de tous. La voilure en vue avait prodigieusement grandi et l'œil exercé des gardes-côtes et des douaniers, qui formaient au bord de la grève un groupe compact et bien armé en dépit de la surprise, avait détaillé le bâtiment avec cette sûreté d'analyse familière aux marins, même à des distances énormes. C'était un cutter armé en guerre qui venait à toute allure droit sur Saint-Jean, gouverné par quelqu'un qui connaissait certainement merveilleusement les parages. Un étonnement se fit jour. « Dis donc, Morvan, s'il n'était pas coulé ?»« Certes, on jurerait. » Guyader eut un cri douloureux. « Mais si, garçon, c'est lui, ce ne peut être que lui. Le Penbaz ? Eh oui, le Penbaz revenu à ses premiers maîtres, repris par les Anglais !» Le cutter grossissait à vue d'œil. Il n'était plus qu'à quelques encablures. Soudain, à ses sabords, une lueur brilla, et la salve de ses 14 caronades épanouit de tribord et de bâbord une large nappe de flammes et d'épaisses volutes de fumée. Un fracas formidable roula sur les eaux, éveillant tous les échos des falaises, et en même temps à sa corne, saluée par cette retentissante décharge, se déploya le pavillon tricolore. De terre, le premier instant de stupeur passé, un immense cri partit. Le Penbaz ! Le Penbaz avec Thoré Pen ! Une dernière manœuvre amena le gracieux navire à portée de voix. Tirant toujours salve sur salve, il fit son abatté, mouilla ses ancres et quelques instants après, il était enveloppé de barques qui ramenaient aussitôt à terre Thoré Pen, Lantoc, les trois Guizenou, tous les survivants évadés du ponton anglais. Dans le délire de joie, dans les acclamations, on avait oublié la scène singulière faite par Tinaïk, l'attitude embarrassée de Pierre-Marie. Chacun voulait embrasser, fêter le héros que tous avaient cru à jamais disparu et dont le retour tenait du miracle. Tous ceux dont la perte présumée jetait sur la fête un lugubre voile de deuil et dont l'arrivée, dans ces circonstances, prenait un caractère de grandeur saisissante. Pressé, fêté, choyé par chacun, Thoré Pen arriva à grand-peine jusqu'au groupe que formaient en haut de la grève Tinaïk et Anne, si saisies toutes deux par une indescriptible émotion qu'elles n'avaient même pas la force de bouger de place. S'il étreignit follement sur sa poitrine la vieille Tinaïk, toute tremblante, le jeune homme devant Anne se troubla si profondément qu'il ne put trouver une parole à prononcer. Doucement, il saisit dans ses deux mains les doigts fins de la jeune fille, et il murmura seulement, avec autant de dévotion que si ces mots eussent été une prière à une de ces saintes de vitrail dont elle avait en ce moment plus que jamais le délicieux profil, « Anne, Anne, douce des douces !» Ses yeux plongèrent jusqu'au fond de ceux de la jeune fille, et dans leur transparence limpide, ils lurent cette même affirmation d'amour, ce don chaste d'elle-même qu'ils y avaient lu quelques mois plus tôt, dont rien n'avait pu ternir le souvenir un instant dans son cœur, et qui, durant ses jours de lutte et d'épreuve, avait été sa seule consolation et son unique viatique. Et les quelques mots qu'elle put, dans son émotion envahissante, parvenir à prononcer, furent pour lui d'une douceur extrême, car ils étaient ceux-là même qu'il souhaitait comme accueil sur sa terre natale, des mots de rachat d'un passé douloureux, des mots de pitié qui prouvaient que, toujours fidèle à sa parole, elle n'admettait point l'anathème entêté lancé par son père, et qu'elle mettait, dans sa volonté d'amour, la même énergie que Pierre-Marie plaçait dans sa volonté de haine, l'énergie de cette forte race des Guisnous à laquelle elle était fière de voir appartenir Thor et Pen. Il fut reprononcé si bas que seul avec lui, Tinaïque put les entendre. « Guy, mon cousin, mon fiancé. » Une grosse voix interrompit soudain leur extase. « Eh bien, commandant, si c'est vrai que je suis un diable, et un pas commode encore certains jours, à ce qu'assurent messieurs les Anglais, il faut croire qu'à d'autres je suis un bon diable, car ce qu'on vient de me fêter, de m'embrasser, à croire que tous ces braves gens allaient me déralinguer ma pauvre carcasse qui n'est plus bien solide avec ce sale régime des pontons. » Et Lantoc, plus frétillant, plus vif que jamais, toute sa figure épanouie de contentement, se frottait les bras avec une grimace comique en désignant la foule accourue sur la plage et au milieu de laquelle disparaissaient les 27 survivants du Penbaz. « Et puis, ajouta le maître en s'adressant à Anne, regardez voir si grâce à eux il est pimpant votre filleul. » Pris d'assaut par les pêcheurs, le Penbaz entièrement pavoisé, enguirlandé de fleurs, de verdure jusqu'à la pomme du mât, se dressait au milieu de la baie comme l'amiral d'une flottille de fêtes, disparaissant entièrement sous les feuillages. Rappelé à la réalité par l'intervention du brave Lantoc, Thor et Pen se pencha vers Anne et craintivement lui dit « Votre père ?» Du regard, surprise, ayant tout oublié pendant ces 12 minutes, Anne cherchait autour d'elle. Tinaïque intervint de nouveau sévère. « Ne t'inquiète pas, ma fille, mes paroles ont porté. Quand Pierre-Marie a vu ses 3 grands saufs et son neveu triomphant, la honte du mal l'a pris. Il s'est éloigné seul. Il réfléchira. » De toutes parts, la fête interrompue recommençait. Pleinement et sans contrainte, cette fois. Les cloches avaient repris leur carillon joyeux. La grande procession s'organisait suivant le rite accoutumé. La terrible bataille et l'évasion racontées avec enthousiasme par les marins du Cutter, les déclarations de la vieille Tinaïque et de Lantoc concernant la véritable identité de Thor et Pen firent du jeune marin le héros de la fête, sans que la révélation de sa naissance lui valût autre chose qu'un surcroît d'universelle affection, ainsi que l'avait prédit la vieille femme. Du moment que c'est la sorcière et le diable en personne naturelle qui l'affirment, déclarait plaisamment Lantoc, en jouant sur la réputation de Tinaïque et sur son propre nom. « Je pense que vous pouvez les croire. D'ailleurs, il n'y a qu'à le regarder, notre commandant, pour comprendre du premier coup d'œil qu'il est de cette race des seigneurs dont nous parlons. Pour un vrai Guisnou, c'est un vrai Guisnou. Il n'y a qu'à le voir manœuvrer. » Lorsque bannière au vent, croix processionnelle en tête, la procession eut atteint le sommet du coteau et que de la plateforme du clocher fut parti le dragon, la fusée qui va allumer le feu de joie, le Tantad, installé sur ce coteau, une immense et formidable acclamation s'éleva et une violente mousqueterie éclata à laquelle répondit l'artillerie du Cutter, tandis que montait la large lueur du bûcher. Puis, la procession redescendit et, suivant l'usage, les porteurs luttèrent de force pour faire passer leur bannière herminée sous le grand portail du cimetière, tandis que les reliques de Saint-Mériadec et de Saint-Modèse allaient reprendre leur place dans le sanctuaire et qu'un prêtre appliquait sur les yeux des malades l'étui contenant le doigt de Saint Jean. Pendant que se déroulaient dans l'universelle joie les épisodes rituels de la procession, parmi la foule accourue de toute la Bretagne, et que le retour du corsaire donnait à la fête un éclat inaccoutumé, Pierre-Marie Guisnoux, troublé jusqu'au fond de l'âme par l'apostrophe de Tinaïk et par le retour du Penbaz, errait seul à travers la lande. La tombe du maudit lui apparaissait sans cesse devant les yeux. Sa course vagabonde le mena devant un amas de pierres noircies, et un frisson lui parcourut le corps lorsqu'il reconnut les ruines de la maison de son frère, brûlées par le feu du ciel. Les paroles de Tinaïk bourdonnaient dans sa tête. Il eut peur d'être à son tour un jour le maudit. Il eut peur des effets de sa propre volonté et s'enfuit sous le crépuscule commençant. À Saint-Jean, dans le cimetière, derrière la chapelle funéraire, Thor Heppen et Anne se tenaient l'un à côté de l'autre, lui debout, elle agenouillée devant la tombe d'Antoine Guisnoux. Derrière eux causaient Tinaïk et Lantoc, remuant les cendres de leur passé lointain. « Votre père sera aussi implacable qu'il y a 2 mois, qu'il y a 20 ans, » déclara Thor Heppen. « Pour lui, je suis, et je serai toujours l'être abhorré, le fils du maudit. » Et prononçant ce dernier mot, il s'abattit à 2 genoux sur la tombe avec un gémissement désespéré. « Mon père !» Mais Anne, doucement, lui prenant la main, « Pour moi, comme il y a 2 mois, vous êtes et vous resterez mon cousin et mon fiancé. » Comme il y a 2 mois, je vous le répète, espérez. Le miracle de votre retour a eu lieu quand tous nous vous croyons perdus. Notre amour est trop grand pour ne pas créer un dernier miracle. Faire donner le pardon à celui qui dort ici son dernier sommeil et fléchir mon père pour l'honneur de notre nom, pour la continuation, la glorification de notre race déguise-nous. Espoir, toujours et malgré tout, espoir. »